Si je vous dis Moon Moon, vous me répondez ? De confortables après-ski ? Non, ce n'est pas cela. Le nom d'un vieux chat de gouttière ? Pas plus. Une Moon Moon, c'est le satellite d'une lune. Une lune de lune, quoi. En théorie, cela pourrait exister. Des scientifiques viennent d'en faire la démonstration. Mais où les trouver ? Hors de notre système solaire, en portant notre regard vers les exoplanètes et les lunes qui orbitent autour. Ces lunes, on les appelle évidemment des exolunes, et elles sont un nouveau et passionnant terrain de jeu pour les astrophysiciens. Qu'on se le dise, la chasse aux exolunes est ouverte. Qui décrochera l'exolune ? C'est le sujet mignon dont nous discuterons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour parler des exolunes, des raisons pour lesquelles on les cherche, des chances que l'on a de mettre la main dessus, mais aussi des outils et des méthodes qui sont à notre disposition pour cela, deux invités aujourd'hui dans la méthode scientifique. Nous sommes d'abord avec Arnaud Cassan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, maître de conférence à Sorbonne Université. Vous travaillez notamment sur la question des micro-lentilles gravitationnelles. On aura l'occasion de revenir dessus dans le courant de cette émission. Alors, nous sommes aussi avec Franck Celsis. Bonjour. Bonjour. Alors, Franck Celsis, vous êtes d'abord directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Vous travaillez sur les exoplanètes et en particulier sur leurs atmosphères. Et vous êtes aussi quelque part à côté de la gare Montparnasse, puisque c'est comme ça. Des fois, on cherche des exoplanètes qui se révèlent ne pas être des exoplanètes. Et d'autres fois, on prend des trains qu'on pense arriver à l'heure et puis il y a des problèmes et on n'arrive pas à l'heure. Merci quand même d'être avec nous au téléphone pour la méthode scientifique aujourd'hui. Comme tous les jours, la méthode scientifique est à suivre en direct sur les ondes de France Culture. Vous pouvez aussi écouter l'émission sur le web, sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il y a aussi les podcasts avec toutes les applis qui vont bien. Nous sommes sur les réseaux sociaux. L'adresse de la méthode scientifique sur Twitter, c'est @laméthodefc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une exolune ? Première réponse, je l'ai donnée dans mon introduction, c'est la lune d'une exoplanète. La lune d'une planète qui orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil. Les fans de la SF connaissent ça avec Endor, la lune des mignons ou suprêmement agaçants, c'est comme on veut, petits Ewoks de Star Wars. Il y a aussi Pandora dans l'Avatar de James Cameron. Pour les astrophysiciens qui peuvent être aussi fans de SF, c'est aujourd'hui un nouveau terrain de chasse. Arnaud Cassan, ce terrain de chasse, il a longtemps été infructueux, mais il y a très peu de temps, le premier profil d'une exoplanète, d'une exolune, pardon, semble pointer à l'horizon. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, en effet, cette recherche d'exolude, en fait, c'est d'abord la recherche de corps qui sont de plus en plus petits, de moins en moins massifs, de moins en moins de masse. Et en fait, depuis la première découverte d'exoplanètes en 1995, effectivement, on a fait des progrès vraiment énormes sur les méthodes de détection, à la fois donc sur la sensibilité de chaque méthode, mais aussi sur le nombre en fait de méthodes qu'on utilise aujourd'hui. Donc, l'exolune, effectivement, c'est une cible qu'on vise depuis toujours finalement en tant qu'exoplanétologue quelque part. Puisque on sait que dans le système solaire, il y en a un grand nombre, hein, les planètes géantes en particulier, ont un très très grand nombre de satellites, donc de lunes. Bien sûr, la Terre a sa lune, Mars a ses lunes, etc. Une recherche qui a débuté il y a longtemps et qui commence maintenant effectivement à porter ses premiers candidats, quatre candidats. Et effectivement, qui devrait, dans le futur, donner de plus en plus de candidats et probablement des détections. Alors, vous parlez de quatre candidats. Néanmoins, là, à l'heure actuelle, on regarde surtout l'exolune qui pourrait graviter autour d'une certaine exoplanète qui s'appelle Kepler 1625b. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez nous la situer un petit peu, cette exoplanète ? Évidemment, ce n'est pas la porte à côté, elle se trouve où ? Donc ces exoplanètes, elles sont situées à des centaines d'années-lumière, bien en dehors évidemment du système solaire. Hein, donc le système solaire, c'est tout petit. On cherche ces exoplanètes vraiment en dehors de système solaire. Cette exoplanète que vous avez citée, donc elle présente dans son signal des particularités, que je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, qui fait penser qu'il y a une lune qui est en orbite autour. Il y a eu plusieurs observations, mais pour l'instant, elle n'est pas totalement confirmée. Donc en tout cas, les découvreurs, il y a une très bonne probabilité quand même que ce soit le cas. Oui, il faut bien insister là-dessus. Il faut parler d'une détection présumée et non pas avérée. On n'est pas sûr que cette exolune, qui est la candidate la plus sérieuse à ce jour, existe réellement. Frank Celsis, l'un des auteurs de la publication autour de cette détection d'une éventuelle exolune autour de Kepler 1625b, c'est un scientifique qui s'appelle David Keeping et qui est à la base spécialisé sur l'étude de l'atmosphère des exoplanètes comme vous. Alors oui, ça c'était sa formation. Après, il est en quête des exolunes, je dirais depuis qu'il vole de ses propres ailes, depuis qu'il a fini sa thèse, c'est presque une obsession. Il a vraiment, il a vraiment pris les rênes de cette recherche, notamment dans le cadre du télescope spatial Kepler. Donc il a vraiment mis au point les algorithmes pour rechercher les lunes dans les données de Kepler. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quels sont les indices qui ont pu lui faire penser qu'il y avait une exolune autour de Kepler 1625b? Donc Arnaud, je pense, reviendra sur les aspects de micro-lentilles. L'autre technique qui permet de traquer les lunes, c'est la méthode des transits. Alors, la méthode des transits, c'est-à-dire, c'est quand une exoplanète passe à chaque orbite devant le disque de son étoile. Donc, la plupart des exoplanètes ne transitent pas parce que leur plan orbital n'est pas orienté de la bonne façon, mais une petite fraction des exoplanètes transitent. Et c'est comme ça qu'on a détecté la majorité des exoplanètes, et en particulier avec ce télescope spatial Kepler, qui a observé en particulier 150 000 étoiles, grosso modo, pendant 4 ans. Et qui a découvert des milliers d'exoplanètes. Alors, quand on découvre une exoplanète, si elle est, si c'est le cas habituel d'une exoplanète seule, eh bien, son orbite va se répéter de façon très régulière. Et donc, chaque transit, les transits vont être périodiques avec une extrême régularité. Imaginons maintenant que cette planète, elle a une lune. Eh bien, le point qui va orbiter de façon régulière, c'est plus la planète, c'est plus le centre de la planète, c'est le centre de masse du système planète plus lune. Et en fait, la planète elle-même, elle peut arriver parfois un petit peu en avance et parfois un petit peu en retard dans ce ballet que jouent la planète et la lune. Donc ça, c'était vraiment la première méthode que l'on a utilisée pour traquer les lunes. On appelle ça les variations de temps de transit. Et l'idéal serait que, associé à ces variations de temps de transit, car hélas, elles peuvent être aussi causées par une autre planète dans le système, ce serait qu'on voit aussi les transits de la Lune en question. Et donc, en recherchant ce type de comportement, il y a un système, en particulier dans les données Kepler, qui avait l'air de présenter ces variations de temps de transit associées à une orbite planète plus sa Lune. C'est Kepler 1625b. Alors, le problème, c'est qu'on n'a plus d'observation de Kepler depuis 2013. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, bon, déjà, Kepler, à l'heure actuelle, ne fonctionne plus. Il a été arrêté parce qu'il y a son successeur qui vole, qui s'appelle TESS. Mais depuis 2013, il a un problème de pointage. Donc, sa mission a été réorientée dans une autre mission qu'on a appelée K2, qui continue à chercher des transits d'exoplanètes, mais pas sur le même champ d'étoiles et sur un champ qui variait. Donc là, les astrophysiciens, avec David Keeping, ne peuvent travailler que sur des données qui sont terminées depuis 2013. C'est ça, on peut chercher ailleurs, mais disons qu'ils ont surtout ce champ d'étoiles de 150 000 étoiles qui a été observé pendant 4 ans. Et on a 3 transits de Kepler 1625b pendant cette période-là, puisqu'elle a une période qui est de l'ordre de 280 jours, et qui présente ces variations de temps de transit. Et ils ont fait des observations, ils ont fait une observation ensuite avec Hubble, et ils ont toujours constaté ce décalage du temps de transit, et il semble avoir vu aussi le transit d'une lune. Et quand ils démêlent tout ça, quand ils essaient de voir quels sont les paramètres de ce système, ils se trouvent avec un système extrêmement exotique d'une planète géante type Jupiter qui aurait une lune de la taille de Neptune, c'est-à-dire plusieurs fois la taille de la Terre et plusieurs fois la masse de la Terre, donc une espèce de lune géante. En quoi c'est une surprise, ça ? On ne s'attend pas à avoir une lune d'une taille aussi importante ? Alors, ce n'est pas tant que ça une surprise, parce qu'il faut savoir que on n'est pas capable de détecter des lunes telles qu'on en a dans le système solaire. Comme souvent avec les exoplanètes, on est d'abord capable de voir les configurations les plus extrêmes. Et donc, on savait bien que si on allait détecter une lune, ça devait être une grosse lune. Ça devait être un effet tout à fait significatif, pas un pouillème. Il fallait que ce soit un gros effet. Donc, c'est pas étonnant que s'il y a effectivement détection, si c'est confirmé, parce qu'on peut le réobserver, ce système avec HST, et donc on peut consolider cette détection ou au contraire l'invalider dans le futur. Si ça s'avère qu'on est vraiment dans ce cas-là, c'est pas étonnant que ce soit une grosse lune. Après, ça pouvait ne pas exister, ce type, ou être très rare pour que ce soit détectable. Je reviens sur la question des trois transits. Vous avez dit qu'on avait observé le phénomène sur trois transits. Est-ce que ça n'est pas un petit peu insuffisant pour tirer des conclusions telles que celles-là ? Oui, d'où le côté encore à confirmer de ce cas-là. On a trois transits avec Kepler, on en a un autre avec HST. Il y a une prédiction qui est faite sur la base des paramètres qui ont été déduits à partir de ces quatre transits. Il y a une prédiction qui est faite pour un transit qui aura lieu en mai 2019, donc bientôt, et on verra si le système se comporte comme il a été prédit. Alors attendre une confirmation, ne pas s'emballer, Arnaud Cassan, c'est un petit peu la morale qu'on peut avoir de toutes les études passées en astrophysique, parce qu'en 2014 déjà, il y avait eu une suspicion d'exolune autour d'un binôme très particulier d'une planète et de son satellite. Et on n'avait pas pu trancher. Est-ce que vous pouvez nous évoquer ce cas de figure ? Oui. Alors, effectivement, juste pour un mot juste supplémentaire sur la Lune, le candidat lunaire dont on vient de parler. Donc, celle de Kepler 1625b. Ouais. Effectivement, dans l'article scientifique des auteurs, à la fin du résumé de l'article, hein, il précise bien qu'effectivement, il faudra quand même vérifier qu'il n'y a pas d'autres planètes qui pourraient produire ces fameux changements de temps de transit-là. Mais que pour l'instant, ils n'ont rien observé et donc ils pensent que c'est vraiment sur une bonne voie. Donc on peut vraiment espérer que ce soit un candidat qui soit vraiment confirmé. Alors si vous faites allusion à ce candidat de 2014 qui était issu d'un phénomène de micro-lentille gravitationnelle. Oui. Alors on reviendra au phénomène dans la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce que c'est que la lentille gravitationnelle ? Mais quels étaient ces suspects, si je puis dire, en 2014 ? Voilà. Donc en 2014, ce qui avait été détecté, c'est le candidat possible, c'était en fait une planète flottante, assez grosse. Dénuée d'étoiles. Donc c'est une planète qui se balade toute seule dans le cosmos. Hein. On n'a pas d'étoiles, elle n'orbite plus autour d'étoiles, probablement parce qu'elle a été éjectée. Et donc ce candidat, c'était une planète géante d'à peu près 4 fois la masse de Jupiter et qui justement posséderait aussi une lune de type Neptune aussi. Donc en fait, c'est intéressant de mettre en parallèle ce candidat de 2014 obtenu avec une méthode complètement différente et ce fameux candidat Kepler 1625b. Parce que finalement, si on regarde, c'est à peu près le même système. Une planète géante, plusieurs fois la masse de Jupiter avec une lune type Neptune ou Saturne, enfin une autre planète qu'on appellerait géante dans le système solaire. Dans un cas associé à une étoile et dans l'autre cas flottant dans l'espace. Donc c'est assez intéressant de voir et que ça se ressemble. Et comme le disait Franck Celsis tout à l'heure, effectivement, en exoplanète, les premières choses qu'on détecte, c'est les candidats extrêmes. La première exoplanète qu'on a détectée, c'était un Jupiter chaud, une planète géante sur une orbite de 4 jours autour de son étoile. Mais c'est absolument monstrueux. Dans le cas de 2014, on n'a pas de conclusion encore fermée définitive sur un scénario ou l'autre. Non, et en fait, on risque d'avoir du mal à conclure parce que les phénomènes micro-lentilles ne se répètent pas. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment un cas où on a utilisé le rasoir d'Occam, c'est-à-dire on a un cas extraordinaire planète plus lune ou un cas plus commun d'une système planète étoile. Et donc, on a préféré ne pas trancher dans cet article. La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h15, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique. Nous sommes en plateau avec Arnaud Cassan. Et au téléphone avec Franck Celsis, nous parlons des exolunes. Et dans l'actualité de la presse scientifique ces dernières semaines, a été associé à l'expression exolune ce mot charmant de moon moon. Alors qu'est-ce que c'est qu'une moon moon, Arnaud Cassan? J'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure dans mon intro, mais vous pouvez peut-être revenir dessus. D'ailleurs, le terme même de moon moon, c'est pas un terme très scientifique. Non, donc là on voit un petit peu, disons, la créativité de nos collègues, transatlantiques, on va dire. Moon moon, donc lune de lune. Et donc l'idée, c'est de regarder des cas pour le coup très exotiques, très exotiques, de façon un peu théorique, en se demandant si on pouvait avoir un système avec une étoile, une planète, une lune et en plus une lune autour de la lune, autour de cette lune. Donc un système un peu spécial. Et c'est vraiment la valse à quatre temps. Là. Une valse à quatre temps, mais dans une configuration spéciale où on a des corps qui orbitent autour de certains, mais pas autour de l'ensemble. Voilà. Donc c'est toujours le cas. Est-ce qu'on parle de circum stellaire? Est-ce que ça tourne tout le monde autour de l'étoile ou ça tourne autour des différents corps? Donc en fait, cette étude, ça a été faite par Sean Raymond, qui est un collègue de Franck Celsis justement à Bordeaux, et qui a fait un peu d'études dynamiques et qui a essayé de trouver des configurations stables de lune de lune pour des lunes, des planètes qui sont connues dans des différentes lunes du système solaire et éventuellement des prospections pour des lunes extrasolaires. Franck Celsis, qu'est-ce que vous en pensez de cette hypothèse de... Alors, je crois que votre collègue Sean Raymond parlait plutôt de sub-moon, des sous-lunes dans son papier qui a été publié dans Archive. Oui, après, on va vraiment dans un domaine de détails de l'astrophysique et des configurations possibles en mécanique céleste. Les sous-lunes, ça existe forcément. Quand vous mettez, alors déjà, nous, de façon artificielle, on a déjà mis des choses en orbite autour de la Lune. Donc, on a bien mis une sonde en orbite autour de la Lune qui orbite autour de la Terre, qui orbite autour du Soleil. Donc, on peut avoir ces hiérarchies-là. Ça, c'est dans des modèles numériques. Ça fonctionne sous voilà, algorithme. On peut... Alors, je crois que le téléphone depuis la gare Montparnasse ne fonctionne plus. Donc, je disais, ça, c'est des modèles, ça fonctionne sur ordinateur. En théorie, ça peut rouler, ça, Arnaud Cassan. La Lune qui tourne autour de la Lune, qui elle-même tourne autour de sa planète, qui, elle, tourne autour de son étoile. Alors, les modèles numériques dynamiques sont très bien rodés. Et on peut faire totalement confiance à Sean Raymond que tout ça, c'est tout à fait correct. Après, une deuxième question qui se pose, c'est comment on peut former ces systèmes? C'est-à-dire, en fait, que fabriquer un système numérique en mettant des corps et en le faisant tourner, on peut y arriver. La question, c'est comment on peut former ces objets. Est-ce que dans la dynamique de la formation, quand les objets s'agrègent, etc., est-ce qu'on peut arriver à fabriquer ça? C'est-à-dire qu'il y a sous des conditions très particulières, il n'y a uniquement sous des conditions très particulières que ces phénomènes peuvent arriver. La moon moon, elle doit être à une distance particulière de sa propre lune, par exemple. Voilà, du point de vue dynamique, donc typiquement, on peut exclure des configurations à certaines distances où il y aura des instabilités, ou alors si, par exemple, on a un système qui ne permet pas de dissiper d'énergie, ben on aura un système instable et donc des éjections, typiquement. Voilà. Le risque, c'est que l'astre, la sous-lune soit éjectée ou soit, oui. Qu'est-ce qui peut lui arriver d'autre? Elle peut s'écraser sur sa... Peut lui arriver à peu près n'importe quoi. dans le système solaire, on peut faire tourner les modèles et vérifier qu'effectivement, dans quelques milliards d'années, on n'est pas sûr du tout que le système solaire soit stable, par exemple. Alors, les moon moon, on n'en a observé nulle part jusqu'à présent, mais dans son papier, Sean Raymond, je crois qu'il évoque la possibilité que des lunes de lunes aient pu exister dans notre propre système solaire, Franck Celsis. Ah, alors là, je saurais pas vous. Alors, il me semble qu'il évoque Titan et Jappé, par exemple, qui gravitent autour de Saturne. Ah, c'est possible. Là, vous sortez un petit peu, effectivement, de mon domaine d'expertise. Dans le système solaire, oui, c'est une bonne question. En tout cas, si on va dans des tailles d'objets très petits, je pense que c'est à peu près certain que ça existe. Dans des objets plus gros qui auraient des tailles similaires aux satellites connus des planètes géantes, j'avoue que je ne sais pas. Mais quittons la question de la moon moon, ça y est, je crois qu'on a développé le sujet, pour parler simplement des lunes à l'intérieur du système solaire. Évidemment, on a tous les yeux braqués sur la Lune avec un L majuscule, la nôtre, le satellite de la Terre, mais il y en a des centaines dans le système solaire des Lunes. Franck Celsis. Oui, alors, ce qui est intéressant, on le disait en début d'émission, c'est que dans le système solaire, toutes les planètes qui peuvent avoir des lunes stables sur une durée assez longue en ont. C'est-à-dire que Mercure et Vénus sont un peu près du Soleil et ça fait que elles sont pas dans des configurations où si elles ont une lune, elles peuvent la garder longtemps. La lune va finir par s'écraser à la surface de la planète ou être détruite par les forces de marée. Et à partir de la Terre, quand on s'éloigne, toutes les planètes peuvent avoir des lunes stables et elles en ont toutes. Donc ça semble, quand on regarde le système solaire, être un produit assez systématique de la formation planétaire et de l'évolution dynamique des systèmes planétaires. Donc il était tout à fait légitime de les chercher ailleurs. Et on a dans le système solaire des lunes qui sont assez grosses. Les plus grosses lunes, qui sont Ganymède, Titan, Callisto, sont plus grosses que Mercure, qui est la plus petite des planètes. Alors à ce propos... Oui, allez-y, allez-y. Oui. Non, donc il était légitime, en disant il était tentant de postuler l'existence de très grosses lunes, en particulier autour de planètes qui seraient plus grosses que Jupiter, et de se dire bah, peut-être que, grosso modo, il y a une espèce de loi d'échelle et que les plus grosses des planètes géantes ont des satellites plus massifs et qui seraient plus faciles à détecter. On pouvait aussi postuler des systèmes avec des rapports de masse plus proches d'eux, hein, c'est-à-dire un petit peu comme le système Pluton-Charon, où on a un rapport de masse assez élevé, donc on a un petit peu une planète double. Ça, ce sont des choses qui sont plus faciles à détecter dans des systèmes exoplanétaires. Donc on a un petit peu extrapolé, on a poussé les extrêmes en se disant, voilà, si on a des configurations comme une Terre, qui serait une Lune, donc une planète de la taille de la Terre, qui serait une Lune d'un Jupiter, ou si on avait une grosse Terre qui aurait une Lune de la taille de Mars, ces choses-là seraient peut-être accessibles dans les données qu'on a actuellement des systèmes planétaires. Alors à propos des lunes de Jupiter, on va écouter une petite archive qui est passée initialement sur la RTF le 25 août 1952 et où on entend le journaliste Fernand Lotte parler de la découverte à l'époque du 12e satellite de Jupiter. Savez-vous que Jupiter compte à présent 12 lunes au cortège de l'énorme planète? Un 12e satellite est venu en effet s'ajouter, découvert il y a quelques mois par l'astronome américain Nicholson, qui en avait déjà 3 à son actif. Dans la revue La Nature, numéro d'août, M. Fournier consacre un fort intéressant article à ce système de Jupiter. Ce qui frappe tout de suite ici, remarque-t-il, c'est le manque d'homogénéité, tant dans les dimensions que dans les éléments des orbites des différents satellites. Et cela donne à penser que les 4 plus gros, ceux-là que découvrit Galilée, Europe, Ganymède, Io et Callisto, sont probablement sortis du sein de la planète centrale, tandis que les autres, astres minuscules et extraordinairement éloignés du reste du système, furent vraisemblablement introduits par capture d'astéroïdes errants ou de noyaux cométaires, du fait de la puissante attraction qu'exerce Jupiter, dont la masse est 318 fois supérieure à celle de notre modeste globe. Alors dans ce document de 1952, on célèbre la découverte de la 12e lune de Jupiter. L'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque il y a quelques mois seulement, eh bien on vient d'en découvrir à nouveau des lunes de Jupiter, 12 d'un coup, Arnaud Cassan. Oui. Effectivement, Jupiter, donc première lune découverte en 1610 par Galilée, hein, c'est la fameuse découverte. Et depuis, on ne s'est pas arrêté d'en découvrir. Alors ces lunes, elles sont des fois extrêmement petites et donc très difficiles à voir. Et en fait, on a eu un gros apport des missions qui sont parties à la découverte de Jupiter, comme les missions Voyager, qui ont vraiment permis d'aller regarder de près, de les compter, d'en découvrir vraiment un grand nombre. Par rapport à ces nouvelles lunes de Jupiter, donc découvertes il y a quelques mois, il y a quelque chose qui m'a paru de l'ordre vraiment de la, singularité, enfin quelque chose de très étrange, c'est qu'elles ne tournent pas toutes dans le même sens. Est-ce que c'est étonnant ou pas un phénomène comme celui-là ? Oui, en fait, donc il y a une dynamique qui est très complexe, qui est parfois des dynamiques à plusieurs corps dans les systèmes gravitationnels entre Jupiter, le Soleil et puis les différents satellites. Et donc on peut s'attendre à des choses dynamiques très exotiques et des planètes dont on a l'impression qu'elles tournent et elles repartent en arrière, mais tout dépend évidemment dans quel système on se place, parce que comme tout tourne, on peut avoir des choses très très bizarres comme ça. Oui. Franck Celsis, si on s'intéresse aux lunes du système solaire, puisque là on parle du système solaire, ce n'est pas uniquement pour augmenter le bestiaire de ces astres, mais c'est parce qu'elles peuvent être intéressantes sur le plan de l'exobiologie. Alors, effectivement, les premières fois qu'on a découvert des exoplanètes, c'était des planètes géantes. Et bien sûr, ce qui attise, je dirais, l'intérêt du public, mais aussi des scientifiques, c'est la découverte de planètes qui a des conditions, on va dire, un peu similaires à la Terre, en termes de température, d'avoir la possibilité d'avoir de l'eau liquide, de climat, qui permettrait l'existence de vie. Donc au début, c'était un peu frustrant, mais parmi les premières exoplanètes qu'on a trouvées, au début, c'était des Jupiters très chauds, et puis petit à petit, on a trouvé des Jupiters un petit peu plus loin de leur étoile, et on en a trouvé à des distances, on va dire, tempérées. Et là, on s'est dit, ah oui, mais eux-mêmes ne sont pas des astres habitables, mais il pourrait avoir des lunes habitables. Il suffirait qu'il y ait une planète, une lune de taille terrestre pour qu'elle soit habitable. On a commencé à réfléchir à ça, qui était une idée, comme vous l'avez dit au début, qui était déjà dans la science-fiction. Pandora, dans Avatar, est l'exemple de ce type d'objet. Donc ça a été effectivement une des stimulations d'un point de vue exobiologique, mais il y en a une autre. Il y a un travail très très connu de 1993 d'un astronome parisien, Jacques Lascar, et de ses collaborateurs, qui a montré que la Lune avait sur la Terre un effet stabilisant sur les variations d'obliquité. L'obliquité, c'est l'angle que fait l'axe de rotation de la Terre avec le plan de son orbite. Et c'est quelque chose qui a un effet important, qui détermine, on va dire, les caractéristiques du climat. Hein, ça détermine l'amplitude des saisons et ça détermine d'autres propriétés du climat. Et ce qu'il a montré, c'est que si on considérait le système solaire exactement tel qu'il est, mais qu'on enlevait la Lune, eh bien la Terre aurait des variations chaotiques de l'obliquité avec des changements climatiques importants. C'est-à-dire que si on aborde l'étude à laquelle vous faites référence de Jacques Lascar et Philippe Robutel, si on la résume un peu à la hache, on dit sans la Lune, le climat sur Terre serait chaotique. Mais ça, c'est un raccourci qui est un peu hardi. Voilà, alors ça je crois que c'est correct, mais par contre d'autres chercheurs, d'autres équipes sont venus un peu explorer qu'est-ce que ça avait comme conséquence, et les variations d'obliquité que l'on aurait dans ce cas-là, je suppose qu'on ne change rien sauf la présence de la Lune, les variations d'obliquité resteraient quand même assez confinées et très lentes. Donc il y aurait des variations climatiques, mais pas forcément monstrueuses. Et il faut ajouter à ça deux choses, c'est que de toute façon, on pourrait avoir des variations climatiques importantes sans qu'il y ait d'effet absolument, radicaux sur l'habitabilité. Et d'ailleurs, la Terre a subi des variations climatiques très importantes avec des glaciations globales, avec des phénomènes extrêmement violents, avec des extinctions quasi totales de la biosphère. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des grandes variations d'obliquité d'une planète pour mettre un terme à son habitabilité. Et puis en plus de ça, il faudrait rajouter le fait que quand on fait cette expérience de penser d'enlever la Lune, du système Terre-Lune, eh bien, on est face à un problème qui est que le système Terre-Lune a évolué depuis sa formation et que la rotation, la période de rotation de la Terre actuelle découle de cette coévolution. Donc si on fait cette expérience de penser, qu'est-ce que l'on donne comme période de rotation à la Terre? Si on donne sa période de rotation qu'elle a aujourd'hui, elle va avoir ses variations plus importantes, mais si elle tourne plus vite sur elle-même, par exemple, eh bien, elle ne les aura pas. Donc, en fait, c'est compliqué parce que il faudrait réécrire l'histoire du système solaire et ça pourrait donner des évolutions où la Terre serait néanmoins stable. Après, il y a aussi beaucoup d'autres exoplanètes qui sont autour de petites étoiles, qui sont de température terrestre, mais comme elles sont autour de petites étoiles, elles sont beaucoup plus proches et les effets de marée de l'étoile sont plus importants. Et là, elles ont des rotations qui sont complètement contraintes par les effets de marée de l'étoile et qui n'ont pas besoin d'une, d'une lune pour stabiliser la rotation de leur axe et qui en plus sont souvent dans des rotations synchrones, c'est-à-dire qu'elles présentent toujours la même face à l'étoile, donc on est dans une autre gamme de climat complètement différent. Donc il y a eu à un moment donné cette idée que oh, il faut pas juste chercher des terres si on veut chercher la vie ailleurs, il faut chercher des terres dotées de grosses lunes. Bon, ça je crois qu'on est un petit peu revenu de cette idée, même si la question du rôle qu'a pu avoir la Lune sur l'histoire de la Terre reste tout à fait persistante. C'est vrai qu'il y a des conséquences directes, hein. Je pense aux effets de marée par exemple, qui font que des zones entières de la Terre sont tantôt recouvertes d'eau, tantôt à nu. Ce va-et-vient peut avoir bénéficié à l'émergence de la vie. Par exemple, on n'en sait rien, mais effectivement, et en particulier peu de temps après la formation de la Terre, de la Terre, et puis surtout de la formation de la Lune, si on remonte plus de 4 milliards d'années dans le passé, la Lune, après sa formation, était très proche de la Terre. Beaucoup plus proche que maintenant, et les effets de marée entre la Terre et la Lune étaient beaucoup plus importants. Donc ces marées dont vous parlez étaient plus importantes et ont dû façonner beaucoup de choses sur la Terre primitive. Alors après, est-ce que ça a joué un rôle important ? On n'en sait absolument rien. C'est effectivement une question passionnante. Arnaud Cassan, sur cette idée d'aller chercher de la vie sur des exolunes, on n'est plus dans le fantasme pur de la SF aujourd'hui. Non, puisqu'effectivement, a priori, on n'a pas de raison surtout de ne pas chercher de la vie partout où on pense pouvoir la trouver. Donc les lunes, c'est clairement des objets qui sont très intéressants, parce que dans les systèmes où on n'a que des planètes géantes, on est content d'avoir d'autres possibilités pour essayer de trouver la vie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, quand on pense exobiologie, les exolunes, c'est vraiment un des mets de choix. Hein. On voudrait vraiment trouver des planètes qui ressemblent un peu peut-être à la Terre en orbite autour des planètes géantes. L'exoplanète géante, elle peut offrir un petit peu sa protection à l'exolune. Je pense par exemple au champ magnétique. Elle met sous son parapluie magnétique l'exolune en la protégeant des rayonnements cosmiques. En fait, il faut faire un peu attention parce que ça va dépendre un petit peu d'où se trouve la Lune par rapport à la planète. Et les planètes géantes, souvent, elles peuvent justement avoir un magnétisme important qui peut aussi se retourner contre la planète. Au contraire, projetant tout un tas de rayonnements, ça va dépendre de la position de la planète, si elle est dans la magnétosphère, tout ça. Donc en fait, encore une fois, il y aura pas mal de conditions à étudier pour voir si la planète est vraiment, la planète géante est protectrice. La planète géante aussi, elle aime bien attirer les corps qui se trouvent à côté, les astéroïdes, tout ça. Donc ça peut, on a tous en tête des images de comètes ou d'astéroïdes qui tombent sur Jupiter. Donc ça peut être aussi dangereux pour ces exolunes. For me tonight, the stars line up. The stars line up tonight to see who we are, baby. And write our names high up inside the sky. The stars line up. The stars line up for me tonight. The stars line up. The stars line up tonight to see what we know, baby. And write our names high up inside the sky. I line them up for you. The time is clear. What else À 16h35 sur France Culture, The Stars Line Up par Marianne Faithfull. On parle pas de stars, mais on parle de moon. On parle plus de moon parce qu'on en a parlé dans la première partie de cette émission. Là, on parle de lune et d'exolune, surtout les lunes ailleurs que dans notre système solaire. Nous sommes avec Franck Celsis au téléphone, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, et avec Arnaud Cassan en plateau avec nous à Radio France, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, maître de conférence à Sorbonne Université. Dans la première partie de cette émission, on a parlé d'une des méthodes de détection des exoplanètes, mais qui peut aussi marcher avec les exolunes, c'est la méthode dite des transits. Mais cette méthode, Arnaud Cassan, elle est imparfaite, si je puis dire, puisque elle est optimale dans certains cas de figure, mais ces cas de figure ne correspondent pas forcément à ceux qui sont bénéfiques à la recherche des exolunes. Alors, toutes les méthodes, malheureusement, ont toutes un peu leur zone d'ombre. Et en effet, la méthode des transits est particulièrement sensible pour détecter des planètes qui sont très proches des étoiles. Heureusement, en fait, on a quand même quelques candidats qui sont plus loin de leurs étoiles, et donc ces candidats plus loin des étoiles vont être beaucoup plus intéressants pour la survie en fait d'une lune autour d'une planète pour des raisons dynamiques. Donc comme toujours en exoplanète, on aura un très faible pourcentage d'objets vraiment intéressants, et en fait on fait avec, hein, on a très peu de candidats, mais on en a, et comme on observe énormément d'étoiles, heureusement, on peut arriver à un certain nombre de détections. Franck Celsis, dans la méthode des transits, il y a des méthodes directes et indirectes. Il y a des méthodes où on regarde presque un phénomène d'éclipse, quoi, l'occultation partielle de la lumière d'une étoile par l'astre qui passe devant. Mais à d'autres moments, on regarde l'image on regarde les photons qui sont réémis par l'hémisphère éclairé de l'exoplanète ou de l'exolune qu'on cherche. Oui, c'est ça. Mais idéalement, pour la détection d'une exolune, il faut les deux. Ce qu'on appelle un modèle photodynamique, il faut à la fois les perturbations de l'orbite que l'on détecte par ces différences dans le temps, dans le moment du transit, et la signature de la lune en transit. Si on n'a que l'un des deux, normalement, si on ne peut pas avoir que le transit de la lune, on devrait voir les effets dynamiques. Mais on pourrait n'avoir que les effets dynamiques sans voir le transit. Ça dépend de l'orientation, par exemple, du système de la planète et de sa lune. Mais là, dans ce cas-là, il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup accumuler, beaucoup, beaucoup de transit pour pouvoir le confirmer. Donc avoir les deux, c'est mieux. Et il faut de toute façon avoir beaucoup de transit, ce qui devient problématique, puisque, comme l'a dit Arnaud, les planètes qui sont trop proches de leur étoile, elles ne vont pas garder des lunes longtemps. Les lunes vont être détruites par des effets de marée essentiellement qu'on pourrait développer, mais qui sont un peu complexes. Et donc, on est obligé de chercher ça, de chercher des lunes pour des planètes qui sont suffisamment loin de leur étoile. Déjà, la probabilité de transit, hein, qui est donnée en fait par le rapport entre le rayon de l'étoile et la distance entre l'étoile et la planète, se casse la figure. Donc, plus on va chercher loin, moins on a de chances de voir des transits. Et puis, quand on en a, ces transits se répètent sur de longues durées, c'est-à-dire que autant on peut avoir des planètes sur des périodes orbitales de quelques jours près de leur étoile, autant là, les planètes qui nous intéressent, elles vont avoir des périodes orbitales d'au moins des centaines de jours. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de transits à se mettre sous la main. Et si on prend en fait le cas de Kepler qui a observé 150 000 étoiles, qu'on prend une probabilité à peu près qui est à peu près la même que la probabilité de transit pour une planète à une distance de Terre-Soleil, ça fait 0,5%. Donc déjà, on passe de 150 000 à, disons, de l'ordre du millier. Et si on regarde ensuite la proportion de planètes dans la bonne gamme, et en particulier de planètes géantes, eh bien, on fait descendre ça encore d'un ordre de grandeur. Donc on est à de l'ordre de la centaine, voire un peu moins, quelques dizaines de planètes candidates pour la recherche de ces satellites. Alors pour... Voilà. Et du coup, le fait qu'on trouve, si c'est le cas, une lune géante de la taille de Neptune sur quelques dizaines d'exoplanètes candidates à cette recherche de lune, ce serait quand même assez étonnant. Mais c'est pas la première fois qu'on est étonné par les systèmes exoplanétaires. Alors, pour détecter ces fameuses exolunes, on vient donc de voir la méthode des transits. Il existe une autre méthode qui a été évoquée dans la première partie de cette émission, notamment par Arnaud Cassan. C'est celle des micro-lentilles ou des lentilles gravitationnelles. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous êtes allé à l'Institut d'astrophysique de Paris pour voir en quoi consiste cette méthode. Oui, les lentilles gravitationnelles sont des objets qui avaient été prédits par Einstein. Ce sont des corps massifs, comme des étoiles ou des trous noirs, qui courbent l'espace-temps autour d'eux et dévient la lumière qui passe au voisinage. Elles produisent alors des sortes de mirages, c'est-à-dire qu'au lieu de voir l'image d'une étoile, eh bien on verra plusieurs taches de cette étoile, voire un cercle diffus à une distance particulière. Alors ce qui est intéressant avec ces objets, c'est qu'ils amplifient la lumière, un peu comme le ferait une lentille normale. J'ai retrouvé Flavien Kiefer qui m'a expliqué comment utiliser ce phénomène pour repérer des exoplanètes et par le même principe des exolunes. Alors ça c'est une étoile source qui serait derrière une lentille gravitationnelle. Donc l'idée ça va être de modéliser une lentille gravitationnelle. Ça peut être par exemple un trou noir, une planète, une naine brune avec une lune autour. Donc on va essayer de voir à quoi ressemble la déformation de l'image d'une étoile qui serait derrière la lentille gravitationnelle. Alors ça, c'est une lentille en plexiglas et ça a été calculé pour reproduire exactement la déformation des rayons lumineux produits par un trou noir. Alors ça, je crois que c'est un trou noir de une fois la masse du Soleil. En fait, vous allez pouvoir modéliser une lentille gravitationnelle. On va voir la déflexion des rayons lumineux qui proviennent de la source, qui passent à travers la lentille et qui reviennent vers nous. Et quand on a une déflexion comme ça, on va avoir l'apparition de plusieurs images. Ce sont des mirages. Ce sont des mirages gravitationnels, exactement. Donc, ce que vous allez voir, c'est quand la source est exactement alignée avec le centre de la lentille et l'observateur, vous avez l'apparition d'anneaux, puisque en fait, les rayons lumineux vont être déviés de façon symétrique autour du centre de la lentille et vont revenir vers vous. Donc, vous allez voir la lumière, avoir l'impression qu'elle provient en fait d'une direction décalée du centre de la lentille, et ce, tout autour de la lentille. Donc vous allez voir un anneau, ce qu'on appelle un anneau d'Einstein. Donc voilà, on va faire un alignement sur un rack expérimental. Alors bougez un petit peu. Alors là, je vois un anneau, en fait. Ah, vous arrivez à avoir un anneau ici. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'image de cette étoile comme un objet ponctuel, mais comme un anneau diffus autour de l'objet qui déforme. Exactement, voilà, c'est exactement ça qu'on voit. Et si vous déplacez un tout petit peu la source par rapport au centre de la lentille, eh bien vous allez avoir des rayons qui vont être déviés de façon différente de l'endroit à laquelle ils vont taper la lentille. Et puisque c'est un tout petit peu décalé par rapport au centre de la lentille, par rapport à l'axe de visée, eh bien vous allez avoir une démultiplication du nombre d'images autour du centre de la lentille. Donc par exemple, vous allez avoir l'apparition de deux images, quatre images. Dans le cas des exolunes, c'est quand même des corps qui sont distants. On parle d'exolunes qui sont à des milliers d'années-lumière. Comment on arrive à mesurer? Déjà pour des exoplanètes, c'est assez compliqué. Alors pour des exolunes, comment on peut mesurer cette déformation dont vous parlez? Alors déjà, il faut que vous ayez l'alignement quasi parfait entre l'observateur, la lentille, enfin ce qui est au centre de la lentille, et puis la source qui est derrière. Donc, oui, c'est comme une écluse, ça arrive très rarement. Ça arrive très rarement, mais il y a des régions de la galaxie qui sont plus peuplées que d'autres. Quand on regarde vers le centre galactique, on va avoir beaucoup plus d'étoiles que si vous regardez vers l'extérieur de la galaxie. Donc, si vous voulez multiplier vos chances d'observer potentiellement une lentille gravitationnelle, eh bien, il faut regarder vers le centre galactique. Et il faut que la distance, disons, entre la lentille, vous-même, et puis la source, soit de l'ordre du ce qu'on appelle du kiloparsec, c'est-à-dire de quelques milliers d'années-lumière. Disons que la lentille soit exactement, quasi exactement au centre, pour avoir le plus d'effet. Parce que si je me déplace de quelques centimètres, je vais mettre au bout de la table pour avoir un anneau parfait, et dès lors que je me déplace à droite ou à gauche, ou d'avant en arrière, voilà, l'anneau se sépare en tâches. Exactement. Alors, si vous regardez et que vous voyez l'anneau au centre, mettez-vous en position pour voir l'anneau. Quand vous voyez l'anneau... Ouais, là, je le vois. Voilà. Essayez de reculer la tête tout en gardant l'anneau. C'est comme si l'anneau scintillait aussi. Ouais, est-ce que l'anneau peut-être rétrécit un tout petit peu? Ah oui, il devient plus mince. Voilà. Donc, plus vous allez vous écarter, plus vous le verrez mince. D'accord. Ouais. Il y a une distance optimale à laquelle la taille de l'anneau va être la plus forte. Alors, il y a un effet qui est particulièrement intéressant dans une lentille, qui est la magnification des rayons lumineux. C'est l'amplification de la lumière. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet loupe aussi. Donc, si on veut détecter une exolune autour d'une planète flottante, par la méthode des lentilles gravitationnelles, on va observer directement l'amplification de la lumière d'une source éloignée. Donc cette amplification de la lumière qui reviendrait de la source, qui traverse la lentille gravitationnelle, qui est en fait le système planète-lune, qui dévie les rayons lumineux, et une partie de ces rayons lumineux vont converger vers l'observateur. Et on va voir une amplification de la lumière provenant de la source, et donc du coup on observe une amplification, puisqu'on reçoit plus de rayons lumineux qu'on devrait en recevoir simplement s'il n'y avait pas de lentille. Alors, quand vous avez alignement parfait comme ça de l'étoile qui est à l'infini, et puis le centre de la lentille, et puis l'observateur... Mais oui, c'est une configuration très particulière. Alors que en mécanique céleste, enfin, tout est en mouvement, donc pour avoir la chance de tomber dessus. Voilà, et ça, ce n'est possible qu'en regardant le centre galactique. Mais donc pour ça, il y a un suivi continu de la communauté internationale, il y a une vraie coopération autour de ça, avec des télescopes robotiques qui vont... suivre en permanence des signaux lumineux provenant de différentes sources au niveau du centre galactique jusqu'à espérer que quelque chose passe devant ces sources. Ouais. Et la magnifie, et donc l'amplifie, jusqu'à voir ces variations qui pourraient trahir la présence d'une planète autour d'une étoile ou d'une lune autour d'une planète flottante qu'on ne verrait pas. Arnaud Cassan, vous travaillez très particulièrement sur la question des lentilles gravitationnelles. On a entendu différents termes dans ce reportage de Céline Lozen concernant ces assez mystérieuses lentilles gravitationnelles. On a parlé de loupe, on a parlé de mirage. Avec quel mot vous définiriez ce phénomène ? Je crois que le phénomène de loupe est assez bien, sachant que la loupe en question est une loupe vraiment, vraiment spéciale. Si on veut parler un peu de la détection des lunes, en fait, donc on voit bien qu'une lune, c'est un objet extrêmement petit. Et donc, la question qui vient en tête, évidemment, c'est comment on peut espérer détecter un signal aussi faible. Alors, les lentilles gravitationnelles, elles ont ceci de ce spécial que c'est un phénomène très non linéaire, en fait, et donc elles vont avoir certaines configurations vont être dites résonantes, et le mot résonant fait allusion au phénomène physique habituel de résonance. Par exemple, si on prend une balançoire et qu'on pousse toujours la balançoire au bon moment, ben le mouvement de la balançoire va devenir de plus en plus fort. Alors là, l'analogie est un petit peu éloignée, parce qu'en fait c'est, quand on parle de lentilles gravitationnelles, il y a des caustiques gravitationnelles, je ne vais pas trop en parler, mais disons que c'est des lignes dans le ciel qui vont amplifier la lumière de façon particulièrement forte. Et il y a des configurations du système à trois corps, par exemple étoiles, planètes et lunes, qui vont rendre ces lignes en fait résonantes et produire des signaux qui sont énormes, alors qu'en fait la lune est toute petite. Et donc on bénéficie de ces configurations il y a des résonantes lignes pour avoir d'observations privilégiées, quoi. Voilà, des configurations. On a observé le système qui était dans une certaine position et on a eu de la chance. Ben, on a de la chance, par exemple, et donc on va bénéficier de cet effet particulièrement d'amplification particulièrement forte, parce que le système est très très non linéaire au niveau du phénomène de lentille gravitationnelle. Mais vous disiez que la loupe en elle-même est un objet très particulier. C'est quoi concrètement cette loupe ? Alors, la loupe du système le plus simple, il faut imaginer un ver à pied. Donc on imagine qu'il y a une seule étoile qui passe devant une autre. On prend un ver de vin à pied, un ver à pied, on casse le pied et on regarde à travers le ver à pied. Par exemple, on vise une bougie. Et là, on observera effectivement, si on est aligné parfaitement, un anneau lumineux. Si on bouge un petit peu, on observera différentes tâches. Et quand on a plusieurs corps, c'est un peu équivalent à rajouter, si on veut, plusieurs lentilles superposées, plusieurs pieds de glace superposés. Et donc, ça va donner des formes un peu bizarres comme ça, si on devait fabriquer une lentille correspondant à un système planétaire donné. Ce qu'on entend aussi dans le reportage de Céline Lozen, c'est que les configurations qui permettent une observation satisfaisante sont extrêmement rares. Dans un entretien préparatoire à cette émission, vous disiez la détection d'une exolune par une micro-lentille, sera toujours accidentelle, comme voir une mouette devant un phare. Oui, alors c'est vrai, j'avais utilisé cette analogie que j'avais jamais utilisée avant. Donc, vous voyez, que, en fait, il y a à peu près une étoile sur un million qui fait un phénomène de micro-lentille quand on regarde dans le centre de la galaxie. Donc, c'est faible. On en détecte en réalité 2500 par an. Et la grande différence par rapport, si on observe un certain nombre d'étoiles, par exemple, la différence par rapport à micro-lentilles et d'autres méthodes, c'est que des étoiles qui passent devant d'autres, eh ben, ça ne s'arrête jamais, parce que la galaxie est en mouvement. Donc en fait, avec le temps, on va accumuler un nombre de données considérable, puisque le phénomène ne va jamais prendre fin. Et donc c'est pour ça que, même si c'est très peu probable, on se retrouve avec des très très grosses masses de données à la fin. Franck Celsis, cette méthode de la lentille gravitationnelle, elle semble redoutablement efficace, non ? Alors, elle est très intéressante en particulier, enfin, après, en soi, elle est passionnante, mais elle est très intéressante parce qu'elle nous permet d'accéder à des types de systèmes, à des types de planètes qui ne sont pas forcément accessibles avec les méthodes actuelles. Donc, en fait, il y a une très grande complémentarité des différentes méthodes pour chercher les exoplanètes. Donc, il y a une complémentarité avec la méthode du transit qu'on a développée juste avant. Et avec toutes les autres méthodes, il y a des exoplanètes qui peuvent être détectées par l'antigravitationnel qui ne peuvent être détectées par aucune autre méthode actuellement. Alors, quelles sont-elles ? Quelles sont les cibles privilégiées de la lentille gravitationnelle ? Oh ben ça, Arnaud pourrait le préciser, mais je dirais que ce sont surtout les planètes qui sont loin de leur étoile, et qui ont des probabilités du coup de transit extrêmement faibles. Alors effectivement, pas forcément plus faibles que la probabilité d'une lentille, mais comme le disait Arnaud, voilà, en regardant vers le centre galactique, on a quand même un certain nombre d'événements qui, petit à petit, va permettre d'améliorer notre statistique de la population des exoplanètes. Plutôt des planètes froides. Arnaud Cassan, alors sur ces cibles particulières de la lentille gravitationnelle, et peut-être une précision sur les exolunes parmi elles. La petitesse des exolunes, vous l'avez dit, ça n'empêche pas qu'on puisse les observer par ce dispositif. Oui, oui. Et pour ajouter un petit peu à ce que disait Franck, en fait, c'est que dans la diversité aussi des paramètres qu'on essaie de voir avec donc toute la complémentarité de ces méthodes, c'est par exemple là aussi à quelle distance on peut observer des systèmes planétaires. Donc dans le petit reportage avec Flavien Kiefer, il était dit par exemple qu'on peut détecter des planètes à près de 10 000 années-lumière avec la méthode micro-lentille, alors qu'on détectera des planètes plus proches, des étoiles plus proches avec d'autres méthodes. Et donc, et aussi, ça va dépendre aussi de l'étoile. Est-ce que c'est des grosses étoiles, des petites étoiles qui vont contenir ces planètes et ces lunes? Et donc, tout ça, c'est pour ça que c'est très complémentaire et qu'il faut vraiment prendre chaque méthode et l'exploiter au maximum. En ce qui concerne les lunes, la méthode des micro-lentilles permet aussi, effectivement, de détecter des lunes autour, a priori, d'objets flottants, comme on avait parlé un peu de ça au début du reportage. Et étant donné que ce sont des objets qui passent par hasard devant des étoiles qui sont plus lointaines, en fait, elles vont donner des signaux qui sont importants, des signaux qui sont forts, mais qui sont très très courts. C'est la durée du phénomène qui va nous dire est-ce que c'est plutôt un système étoile-planète ou est-ce que c'est plutôt un système flottant, planète-lune. Et comme maintenant on arrive à détecter des objets qui durent moins d'un jour, on a des courbes de lumière, de micro-lentilles de moins d'un jour, et bien on sait que c'est des planètes flottantes. Et là on peut espérer trouver des signaux effectivement correspondants. Alors on va pouvoir aller encore plus loin dans la technique de la lentille gravitationnelle avec un satellite américain qui n'est pas encore lancé, ça devrait être à l'horizon 2025-2026, c'est le satellite WFIRST. Depuis l'espace, il permettra de faire des lentilles gravitationnelles, Arnaud Cassan. Oui, c'est un des gros sujets pour les exoplanètes, parce qu'en fait, pour dire en deux mots quel est l'intérêt du satellite, en dehors du fait qu'il y a moins de turbulence dans l'atmosphère, hein, ça tout le monde le sait, c'est que un des problèmes des micro-lentilles pour la résolution, disons la finesse des signaux qu'on peut espérer détecter, en fait, cette finesse est liée aux étoiles qui sont les étoiles lointaines qui donc émettent cette fameuse lumière. Et depuis, quand on observe depuis la Terre, on observe surtout des étoiles qui sont grosses, des étoiles géantes, parce que c'est plus facile, il y a moins de bruit, etc. Quand on va dans l'espace, on a accès en fait aux étoiles qui s'appellent les étoiles de la séquence principale, c'est-à-dire un peu comme les étoiles comme le Soleil ou même plus petites. Et en fait, en passant dans ces étoiles plus fines, eh bien en fait, mathématiquement, on augmente la résolution des signaux et donc on va pouvoir voir des signaux très très fins qui sont dus à des objets très très petits comme des planètes et des satellites et des lunes. Et le deuxième aspect très très intéressant en fait avec ça, c'est qu'il y a énormément plus d'étoiles normales comme le Soleil ou un petit peu plus grosses, un petit peu moins grosses. Il y en a beaucoup beaucoup plus que des étoiles géantes qui sont quand même assez rares finalement. Donc on va augmenter énormément les cibles. Donc avec WFIRST, on diminue le grain de la plaque photo. Exactement. Franck Celsis, y a d'autres outils là qui commencent à arriver, qui sont déjà installés, qui sont déjà dans l'espace, qui vont permettre une meilleure observation des exoplanètes et des exolunes. Notamment à TESS. TESS, c'est un petit peu compliqué parce que TESS, c'est donc un équivalent un petit peu de Kepler, c'est-à-dire qu'il va mesurer la luminosité apparente de beaucoup d'étoiles pour essayer de repérer des transits. Mais lui, il va essayer de couvrir des étoiles sur tout le ciel. Et le prix à payer, c'est qu'il ne va pas rester sur un même champ d'étoiles pendant très longtemps. Donc au maximum, il va suivre des étoiles en continu pendant un an. Et par rapport à ce problème dont on parlait précédemment, que les exoplanètes qui sont proches de leur étoile, et donc qui ont une courte période orbitale, ne sont pas favorables pour la recherche d'exolunes. Les lunes n'y sont pas... Les lunes n'y sont pas stables. Donc, TESS n'est pas optimisé du tout pour faire ce type de découverte. Alors, par contre, il peut découvrir des systèmes qui transitent que l'on pourra ensuite suivre éventuellement depuis le sol dans cette recherche-là. Mais le télescope spatial qui me semble avoir, à nouveau pour la méthode des transits, être le plus prometteur pour traquer les exolunes, ce sera sans doute Plateau. D'accord. Lui, Plateau, c'est l'ESA, c'est l'Agence Spatiale Européenne. Plateau, c'est l'Agence Spatiale Européenne. Donc, à nouveau, une mission pour trouver des exoplanètes qui transitent. Comme TESS, une mission qui va regarder quasiment sur tout le ciel, mais cette fois-ci, par des méthodes assez malines, qui va en fait faire ce suivi en continu pendant plusieurs années. Donc, on va avoir le même genre de données que pour Kepler, mais pour des étoiles, en fait, beaucoup plus brillantes. Parce qu'on va pouvoir les sélectionner sur tout le ciel et non pas sur un tout petit champ d'étoiles. Donc par exemple, Kepler 1625b, dont on parlait tout à l'heure, qui est actuellement le candidat d'Exolune, c'est une étoile de luminosité apparente très faible. Elle est à 8000 années-lumière de nous. C'est vraiment les fonds de tiroir de Kepler. Et donc on n'est pas dans des très très bonnes conditions, même avec HST, pour faire ce suivi à la recherche d'une Exolune ou pour confirmer cette Exolune. Avec Plateau, on aura des candidats suivis sur très longtemps, avec suffisamment de transit pour avoir des bonnes données et une bonne photométrie, c'est-à-dire une bonne précision sur la luminosité apparente des étoiles, donc pouvoir des transits très fins et sur une longue durée. Donc je pense que pour la méthode des transits, Plateau devrait être un peu l'observatoire idéal pour traquer des exolunes. Il y a un autre télescope qu'on attend un petit peu comme l'Arlésienne maintenant, mais avec beaucoup d'attentes, c'est le James Webb qui va être le successeur de Hubble. Est-ce qu'avec un appareil d'optique aussi précis, on pourrait voir des lunes minuscules, Arnaud Cassan? Alors les lunes minuscules, elles sont toujours très complexes. Alors donc là, je pense que Franck pourrait en dire plus que moi probablement. Mais disons que le problème effectivement, c'est que si on veut utiliser l'imagerie ou en tout cas utiliser le spectre des planètes, pour l'instant, c'est vrai que les signaux sont vraiment faibles. Donc il faut voir. Franck Celsis, un dernier mot sur le James Webb. On l'attend sur le sujet des exolunes comme sur d'autres sujets. Eh bien, disons que de la même façon que HST a été pointé vers un candidat qui avait été trouvé par Kepler, on pourrait imaginer pointer le James Webb sur un candidat d'exolune vraiment intéressant, mais ce ne sera pas lui qui va les trouver. Bon, on verra si le James Webb fera des miracles sur cette question comme sur d'autres, peut-être. Nous parlions aujourd'hui des exolunes avec Franck Celsis et Arnaud Cassan. Je les remercie ainsi que toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen et Tom Amdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique, Jean Frédérics. Demain, dans la méthode scientifique, on parlera de l'architecture connectée ou comment l'usage de capteurs miniaturisés et saupoudrés dans les immeubles pourrait prévenir leur effondrement. C'est en tout cas une piste de recherche que nous développerons demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.